avec toi pour la première fois. Est-ce que tu me reconnaîtras avec cette allure-là? Bon, cette fois, je pars. Je suis déjà bien en retard. Est-ce que tu vas m'attendre? Tiens, une sonnerie se fait entendre. Allô, oui, ne t'inquiète pas, j'arrive. Je ne suis que sur l'autre rive. J'ai rendez-vous avec toi pour la première fois. Est-ce que tu me reconnaîtras avec cette allure-là?